Yeah, NYM, elle m'éloigne, yo. Ok, puisque les jours passent et se ressemblent, je suis le mal, marre de trouver mon avenir dénué de sens. Je me lasse, puis je marche seul, j'ai toujours puisé le max du nombre de rencontres improbables que je recense. La famille, la zik, massage, il m'anime à ôter la masse que je ressens. Sur les épaules, je débauche, sors du taf, avachi, je m'active. 4 méga et squatte les bars, car la débauche est attractive, merde. Parfois, j'entame mes journées au bec, un spiff à griller la verte. Une meuf, c'est les bien roulés, je kiffe la tirer au fait. Ma vivacité d'esprit en est affectée depuis que j'affectionne être dans un état pété. Mais je veux pas paraître addict à la drogue, à la vie, à la mort. Je la revendiquerai jamais comme une chose à la mode, sans exagérer, à force de l'exacerber. Face à ce vice, on sonne l'alerte, mais tout le monde l'homologue. MC, tu prônes la tolérance, remballe ton homophobie. Effet de mode, vous sonnez tous pareil, homophonie. Pendant que mes gars et moi, on se lance dans l'autoprod. Shit, tu parles sur nous, j'ai pas ton temps. Monologue, je pille l'autocommande de ma navette dans mon univers. Je m'apprête à ne jamais atterrir si j'embrasse Lucifer. Combien ont gâché leur avenir pour de la verte, de la jupilaire, souhaiterait quitter la terre, rejoindre Jupiter. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, sans rendre compte ça l'est plus. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, sans rendre compte ça l'est plus. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, sans rendre compte ça l'est plus. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, okay, sans rendre compte ça l'est plus. L'inspi me prend, c'est dit. J'ai 19 ans, écrire des rimes enchantes. Franchement, je pense grandement à vendre des disques, messages au carpe diem, elle vend mes guides. Ouais, chaque jour c'est la même, j'en ai marre que mes semaines ne soient qu'une succession de vendredis. J'avance vite dans la branche qu'est la vie, suis son cours les frites. Il est grand temps que je réalise que le rêve artiste n'est pas très facile. C'est pas être assis sur le canapé qui m'est graphiste. J'ai les nerfs à vivre, je veux le pèse et le classique. Que ceux que j'aime disent Pierre, t'as cliqué toi ce que vous faites, c'est magique. Ouais, j'aime quand ça s'agite, que le public a sa gifle, que les vrais applaudissent et que les pupilles s'agrandissent à 30 piges. J'aimerais pouvoir dire que j'attends le fils, que dans mes textes vacances rime avec ma grande vie. Prendre sirop sur la plage, posé sur une île au sud de la carte avec de l'argent clean. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, sans rendre compte ça l'est plus. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, sans rendre compte ça l'est plus. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, sans rendre compte ça l'est plus. On veut la lune, on se contente de la stupe. Stupide, on stule, dire c'est dur, sans rendre compte ça l'est plus. C'est reparti pour entamer la deuxième bastos. Envie de bouger, toucher le sommet, mais la benette pas trop. J'admets que la dose au début ça fait plaisir, mais à force j'en perds la mienne. Trop de vertes ça mène au même panel. La flemme m'amènera peut-être à finir par dormir debout. Mes histoires elles restent claires et nettes, pas comme ce gars sorti de l'asile de fou. Ah, si je doute que mon avenir soit fructueux, mais je me lèverai pour te buter plus d'une fois si t'es une pute du jeu, capiche. Je m'active à carabine et chaque beat. Je veux que chaque rime donne du poids à ma mine, pour que dans 4 piges ou même avant mes crades rimes deviennent à vendre. Mais pour l'instant j'ai le crâne vide, faudrait que ça change, faudrait que ça change, faudrait que ça change.